Chapitre 4. La matinée était peu avancée lorsque les voyageurs arrivèrent devant la maison de M. Campbell. Ils trouvèrent dans le parloir Helena et Ève qui habitaient maintenant auprès de leur père. L'extrême simplicité de leur mise, l'air de fatigue empreint sur leur visage, naguère si brillant de fraîcheur, tout annonçait que la richesse et le bonheur avaient fui cette maison. Sur une table étaient étendus des ouvrages de tapisserie confiés aux deux sœurs par les marchands qu'elles dédaignaient autrefois. À la vue de William, leurs larmes coulèrent avec abondance. On eût dit la famille de Joseph reconnaissant en lui le sauveur d'Israël. Les voyages, et une précoce maturité, avaient développé la constitution de William. C'était un homme, un protecteur pour ses sœurs. Accablé d'une émotion à la fois violente et douce, il dit à Helena : « Mon père pourrait ressentir une trop forte impression en me revoyant tout à coup. Laissez-moi lui annoncer à ma manière que je suis revenu. » Et tirant de sa boîte l'instrument de sa gloire et de sa fortune, il se mit à jouer un prélude plein de suavité. Il semblait que le ciel se fût ouvert et que le concert des anges se fît entendre. Les jeunes filles, baignées de pleurs, s'étaient agenouillées et remerciaient Dieu avec ferveur lorsque M. Campbell parut. William répondit par un cri de joie à l'exclamation de surprise que laissa échapper le vieillard. S'élançant vers lui et tombant à ses pieds, il s'écria « Oh, mon bon père ! Dieu soit loué. Vous vous portez bien. Votre fils a acquis de la gloire, et vous êtes redevenu riche. Moi, riche, vous vous trompez, mon cher enfant. Eh, monsieur, dit Marshall d'un air triomphant, cette cassette vous prouvera que votre fils ne se trompe point. » Le reste de la journée fut rempli par les baisers, les récits de l'absence et les projets d'avenir. Vers le soir, Marshall remit en secret à William ce billet de George. « Mon excellent frère, je pars avec un régiment dans lequel je me suis engagé ce matin comme soldat et qui sera en grande ZAD. Je pars repentant, je reviendrai honnête homme. »